une pelote, une dramatique relote. Chez les télos, y'a peu de l'eau. Oui, y'a un lost au milieu de l'eau. Tout près de la bosse, on se pose pour voyager histoire d'observer la terre de haute avec des rochers, des hoquets, des hanchés et du hot. Ce n'est qu'une pelote, elle ne se classe pas, elle se repêche, elle s'en mêle au pas. Il y a des filets de câbles et des pétages de partout au milieu de la forêt, des métalliques potagers. Tout a été visité, pollué, des paysages romantiques sur un plan artificiel. Tu te tournes, tu te pars, soit qui tire les ficelles. Alors sans notre caisse à outils, on se balade jamais, on se fait choper. Alors on chope les chopes avec le pote de notre popo. Je vais faire des gueules, pipi, hip hop. Je vais au gouvernement, dans pas plus de Nico. Oh Nico, cramer les arbres et les nids d'oiseaux. La loi et son seau sert à recueillir le sang des pelotes de laine toute mouillée collée avec laquelle notre chat muselé aime jouer. Je coupe les cordages et les cordons bleus. Ce sont des nouveaux-nés à regard de la cité à laquelle ils ont débarqué. Tout n'est que ville, j'ai remarqué. J'ai fait un remake de la chanson, j'ai remarqué. Le fil de mes lettres a été emmêlé par le fil de la conversation à cause d'une pelote pour peloter des gens comme Marine et des nœuds Marines marinés. Et... Oh, danse, déroule la pelote. Allez, un petit peu glissant, danse, c'est glissant, remis la pelote. Déroule la, emmène-la, danse, la merde, danse. Danse, un petit peu glissant, mec, allez, c'est glissant, on est fort, glissant, de la prison, danse, danse. Marche dans le supermarché, pisse comme un SM, comme un mouton enfermé dans un pull en laine. Quelques dealers plus loin, je vois la mort qui me fait signe de la main. Mais elle est bonne, mais c'est une pute, je ne suis pas un crétin. La planète est une pelote, et on tourne en boucle, emmêlée, emmenée, attachée par des bracelets et des menottes. Écoute ce que je vais dénouer, prends-en de la canne et des notes. On va donner du fil à retordre aux fausses fautes et aux fausses notes. La terre est une pelote de cuir, elle aime les sens de sadomasochisme. Vas-y, tu peux fuir, faire cuire à ta vie avec mon fétichisme. Mais je suis pas un vautour, ni un vautour, ma tête fait des tours. Ben moi je suis ficelé, enchaîné comme un chien à la vie, à la ville. Est-ce un hasard si la chanteuse qui joue avec des fils s'appelle aussi Camille? Pendu à l'existence par une corde de violon, j'ai déjà dit comme mes mots parce qu'il vient de mes mots, je suis maudit. La terre tourne sur elle-même et je me répète, j'aimerais qu'elle m'aime. Je pourrais recommencer à danser, doser dans les fêtes, oser bober, oler, voler dans les halls, gauler. Si c'est Sarko en tête. Roulez boulez, t'as les boulets, t'es roulé. La terre les conne comme moi, déconne pas. Et voir, on aurait pu partir en live en couille n'importe quoi. Mais il manque un certain amour pour ça, toute ficelée. Comme des saucissons dans les concours de beauté. Mascara, esthéticienne, crème sincère, Nivea pour y arriver. Pour s'arrimer, c'était juste pour la rimer. Ne pas continuer à les recourir à l'arrivée. Mourir alors que je viens d'y arriver. Les petites dames sont mûres, il leur faut des mecs usagés. Mauvais présage, viens pas me demander. T'en coûte quand ce grand gamin t'aura cocufié. Il ne restait plus qu'à t'attacher. En bonne sadomaso, t'as embaumé, t'es paumé. Comme une momie ou un vulgaire cadeau, il t'a emballé. Alors tu t'emballes, oh, au milieu des pervers dans le bal, les viols, les DJ s'emballent. Ta vie ça finira comme ce pull que ta grand-mamie t'a tricoté. Trop grand pour toi, on m'a dit dans la vie il faut faire ce qu'on aime et aller jusqu'au bout. Moi j'aime la cam, du haut de gamme, pas la gamine, c'est tout. Mais elle est paumée dans ce détail, comme le Minotaure seul dans le labyrinthe. J'ai voulu la sauver, j'ai eu tort, j'ai paumé le tuyau d'Ariane dans ce boyau. Marianne n'a pas aimé mes étreintes. J'étais encore lié à elle, par le condom ombilical quand je l'ai mise enceinte. D'un long brique, bienvenue dans ce monde simple brique, ongle rectum, aucune. Rectangulaire comme le flic vert d'espoir. Oh danse, déroule la pelote. Allez, un petit peu glissant, danse, c'est glissant, remis la pelote. Déroule la, emmène-la, danse, la merde, danse. Un petit peu glissant, mec, allez, c'est glissant, on est fort, glissant, de la prison, danse, danse. C'est pas avec la mort mais avec la vie. Ah, la vraie terre. Autrement dit, allez, danse. Fais-toi des clés, ne les fous pas. Les coups de fond, c'est fatigué. On prend les pieds, allez, danse, danse. Allez, on part avec un écho. Danse, casse. Danse, danse, vas-y. Avec la vie, le bonheur, on a tout un ménage à trois. Mélangisme nous emmêler, la mort s'est ramenée quand les deux autres n'ont pas voulu de moi. Alors j'ai voulu l'épouser, par la remercier, j'en ai fait une bague tissée, tisée avec du blé.